sur fils de pute, on a tout vu. Garde un dépôt, et quand y'a des sons de favo, les types balancent des pavés. Et quand y'a des sons de favo, les types balancent des pavés. Fidèle, pas tant des salades, n'en parle pas chinois. Non. Comme un vrai charo, je déploie mes ailes. Posé dans ma jungle every day. Récolte ce que l'on sème, j'fais du blé. Regarde nos fringues, c'est du vrai. L'équipe, elle est deep, on est prêt. Charlie Delta Commando. Bif, bif, bif, bif. Charlie Delta Commando.